Chapitre 4. L'entrevue au clair de lune. Jamais la lune ne s'était montrée plus belle. Ses rayons argentins, glissant de la toiture de la maison, se répandaient le long de la muraille, parcouraient les allées et illuminaient de leur pâle clarté les arbres et les fleurs. Barbara s'avançait à pas rapides, ses grands yeux ouverts et fixes, vers l'endroit où elle avait cru voir l'être mystérieux. Non, ce n'était pas une illusion de ses sens, car il était là encore, reculant à mesure qu'elle approchait, mais l'engageant de la main à le suivre. Barbara, le sein haletant et les lèvres convulsives, marchait toujours. Bientôt l'apparition disparut entièrement dans l'ombre qui tombait du haut des arbres. « Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici ?» demanda Barbara d'une voix chevrotante. « Barbara !» soupira l'inconnu qui s'était blotti derrière un massif de verdure. « Ne me reconnais-tu donc point ?» La jeune fille poussa un cri de joie et de frayeur, car cette voix c'était celle de son frère. Elle n'en pouvait plus douter, et d'un bond, elle se précipita dans ses bras. Pour tout autre qu'une sœur, Richard Hare eût été méconnaissable, tant il avait pris soin de déguiser ses traits et de transformer, sous un costume d'emprunt, sa taille et sa démarche. Une fausse barbe, un large chapeau de paille et une longue souquenille de grosse toile, tels qu'en portaient jadis les paysans, le travestissaient complètement. « Richard, mon pauvre frère, s'écria Barbara, d'où viens-tu et que nous veux-tu? Ne sais-tu pas que si on te découvre, tu es mort? As-tu donc oublié que tu es condamné à mourir à la potence? Je le sais, répondit Richard Hare. Alors pourquoi t'aventurer de la sorte? Si ma mère te voyait, cela la tuerait. La vie, reprit Richard d'une voix sombre, m'est à présent insupportable. Depuis que je t'ai quitté, je n'ai vois-tu cessé de travailler à Londres. À Londres ? Fit Barbara étonnée. Oui, à Londres, et c'est un travail ingrat et pénible, je t'en réponds. Aussi, je veux l'abandonner, et c'est pourquoi je suis ici. Si tu peux me procurer quelque argent, cela me rendra un grand service, car je pourrais alors trouver une occupation plus en rapport avec mes goûts. Et quelle est donc ton occupation actuelle ? Celle de palefrenier. Comment ? Toi, Richard, mon frère, toi penser les chevaux? Eh bien oui. Croyais-tu donc que je m'étais fait négociant, banquier, ou qu'un des ministres de la reine m'avait choisi pour son secrétaire? Répliqua Richard avec un ton de voix pénible à entendre. Je gagne 14 francs par semaine, et ce sont là mes seules ressources. Richard, mon pauvre frère, murmura Barbara en pressant sa main dans les siennes et la couvrant de larmes. Combien tu dois regretter le crime que tu as commis? Ce n'est pas moi qui l'ai commis, répliqua-t-il tranquillement. Comment, que veux-tu dire? Je dis, Barbara, que je suis innocent. Je n'étais pas même présent au moment où le meurtre s'est accompli, je te le jure. Mais j'ai mes idées, vois-tu, et je mettrai ma main au feu que je connais le criminel. Barbara tremblait de tous ses membres. Est-ce que par hasard tu soupçonnerais Bethel? Bethel, oh bah, c'est un braconnier! Et ce soir-là, il était occupé à tendre ses pièges et ses lacets. « Richard, reprit la sœur en lui parlant à l'oreille, ma mère a une idée fixe dont elle ne veut pas démordre. Elle est convaincue que Bethel est compromis dans cette affaire. Et elle a tort. Pourquoi a-t-elle cette idée? Je l'ignore. Tu sais combien elle est fantasque et bizarre, combien rien l'impressionne. Or, depuis cette nuit terrible, elle est sans cesse poursuivie par des rêves, et dans tous ses rêves, Bethel joue un grand rôle. « Barbara, s'écria Richard d'un ton solennel, je t'en donne ma parole d'honneur. L'assassin, ce n'est ni Bethel ni moi, c'est Thorne. »« Thorne ? » répéta la jeune fille en levant des yeux étonnés. « Quel est ce Thorne ? » ?»« C'est là ce que j'ignore moi-même, et ce que je voudrais t'en connaître. Je ne sais où il est à présent. C'était un ami d'Affy. »« Richard, fit Barbara avec dignité, tu t'oublies, et tu n'as pas le droit de porter une telle accusation. » « C'est bon, » répliqua Richard. « Libre à toi d'avoir tes opinions, j'ai les miennes. Mais, ajouta-t-il, ce n'est pas pour débattre cette affaire que je suis ici. Je suis condamné à mort, et rien maintenant ne saurait modifier le verdict du jury. Laissons donc de côté cette discussion. Mon père est-il toujours aussi furieux contre moi? Toujours. Du reste, jamais il ne prononce son nom. Il ne souffre pas qu'on y fasse allusion devant lui. Il a même renvoyé Elisa, la servante, parce qu'elle s'obstinait à appeler ta chambre la chambre de M. Richard. De plus, ton père a fait un serment. Lequel? Il en a tant fait. Celui-ci est un serment solennel, Richard, lorsque les jurés eurent rendu le verdict, ton père s'est levé, et dans le tribunal, en présence des magistrats rassemblés, il a pris l'engagement de te livrer lui-même aux mains de la justice, si jamais il te rencontrait sur son chemin. Tu connais son caractère, Richard. Tu sais que jamais il ne manque à sa parole. Il est donc bien téméraire à toi d'être venu ici. Je sais, répondit Richard avec amertume. Je sais qu'il ne m'a jamais traité comme son fils. Ne s'est-il pas maintes fois emporté contre ma mère, à cause des soins dont elle entourait ma santé délicate? Ne m'a-t-il point poursuivi sans cesse de ses railleries les plus amères? S'il m'eût aimé, s'il se fût attaché à me rendre agréable le foyer domestique, crois-tu que j'eusse cherché dans la dissipation les distractions dont j'avais besoin? Barbara, il faut que tu me facilites une entrevue avec ma mère. Barbara Hare se mit à réfléchir. Cela me semble bien difficile, répondit-elle enfin. Pourquoi? Ne pourrait-elle venir ici? Est-elle malade au lit? Non, mais il n'y faut pas songer, du moins pour ce soir. Mon père peut rentrer d'un moment à l'autre, il est chez Beauchamp. Voici 18 mois que je n'ai pas vu ma mère, reprit tristement Richard. Il m'est pénible de m'en aller sans l'avoir embrassée. Enfin, je dois me résigner à mon sort. Maintenant, dis-moi, peux-tu me procurer cet argent? J'ai besoin de 2 500 francs. Reviens ici demain soir à la même heure, je t'apporterai cette somme. Mais, ajouta-t-elle après un moment de silence, si, comme tu le soutiens, tu es innocent, pourquoi ne pas en donner les preuves? Quelle preuve puis-je donner? Toutes les apparences ne sont-elles pas contre moi? Est-ce que je puis raisonnablement aller parler de Thorne, qui le connaît? Personne. Mais alors, si personne ne le connaît? Je vois ce que c'est, reprit Richard avec douleur. Toi aussi, tu doutes de mes paroles? Richard, ne parle pas ainsi. Je ne désire qu'une chose, une seule, tu le sais, prouver ton innocence. Eh bien, pourquoi ne confierais-tu point tes doutes et tes soupçons à Carlyle? C'est un ami sincère et dévoué. De plus, il a l'habitude de ces sortes d'affaires. Tes révélations pourront l'aider à te réhabiliter aux yeux du monde. Qui sait? Tu as raison. Carlyle est le seul être au monde à qui je voulusse confier le secret de mon retour. Mais dis-moi, Barbara, sait-on ce que je suis devenu? Il y en a qui croient que tu es mort. D'autres qui assurent que tu t'es réfugié en Australie. Le bruit a couru enfin que l'on t'avait vu à Liverpool sur le point de t'embarquer. Il n'y a rien de réel dans tout cela. Je suis allé à Londres et j'y suis resté tout le temps à travailler. Dans une écurie? Eh bien oui, je n'ai rien trouvé de mieux à faire. Que veux-tu? Je n'ai pas reçu d'instruction. D'ailleurs, il m'a semblé plus sage, afin de me soustraire aux poursuites de la police, d'accepter une position obscure. Et si l'on est encore à ma piste, il n'est pas probable que... Tais-toi, tais-toi, je t'en supplie, lui dit Barbara toute tremblante. Voici mon père. Des voix se faisaient entendre, en effet, et bientôt ils reconnurent le juge R, accompagné de M. Rinner. Ce dernier, en arrivant devant la grille de l'enclos, prit congé du juge, qui entra seul. Barbara et son frère, tous deux saisis de crainte, s'effacèrent de leur mieux afin de n'être pas vus. M. R passa devant eux sans les apercevoir. « Je n'ose demeurer ici une minute de plus, » balbutia la sœur. « Adieu, sois ici demain soir et je te rejoindrai. » Elle allait s'échapper, mais Richard la retint par un pli de sa robe. « Ma sœur, » lui dit-il d'une voix lente et profondément émue, « j'en prends Dieu à témoin. Aussi vrai que nous sommes tous deux sous son puissant regard, je suis innocent. Celui qui a assassiné Hallie John, ce n'est pas moi, c'est Thorne. » Barbara, se dégageant brusquement de l'étreinte de son frère, s'esquiva au plus vite. Lorsqu'elle arriva devant le perron, M. R venait d'entrer, et elle put l'entendre tirer les verrous et fermer la serrure à double tour. « Mon père, » s'écria-t-elle en frappant à la porte, « veuillez m'ouvrir !» Le juge, surpris et quelque peu irrité de voir sa fille dehors par ailleurs, l'interrogea et lui demanda une explication. « Je suis allé à votre rencontre, » répondit-elle tout bas et la tête baissée. Barbara était d'un caractère franc et sincère. Elle ne mentait jamais, et pour la première fois de sa vie, peut-être, elle se voyait obligée de tromper son père.